L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, vous êtes bien sûr Osmose Radio et c'est Stéphane qui vous accueille et je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour une playlist un petit peu particulière de l'heure du loup. Car en effet, il n'y a pas longtemps, c'était le 1er avril et par conséquent, j'avais envie de vous faire ma traditionnelle playlist Poisson d'avril avec des musiques parodiques, avec de l'humour pourri et avec des trucs de merde aussi. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour quitter Osmose Radio si vous êtes allergique à tout ça, mais pour le moment restons sérieux quelques minutes encore s'il vous plaît. J'avais envie de rendre hommage à l'homme qui a incarné la magistrature suprême de notre présipoté et qui a décédé récemment. Il s'agit de François Salengro qui était président du Groland. Par conséquent, j'ai envie d'ouvrir cette émission avec l'hymne de Groland. Today. sur le balcon. Thank you. sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation, col salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation, oh yeah, svalutation, yeah. Ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua. A destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Ce kind of magic, t'as Freddie Mercury, hein, le symbole, le plus grand, et Freddie Mercury, hein, c'est quand même le seul, hein, quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. Non mais y a plus de rocker, faut être honnête, il reste qui? Johnny, hein, Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire, voilà, il y a 4 groupes dans le monde, c'est pas Calogero là, ou je sais pas quoi, la Whitney Houston, c'est pas du rock ça, c'est pas ça le rock. Le rock c'est t'arrives, bon, t'as une guitare et tu sais pas si elle va marcher, c'est ça le rock. Tu prends des risques, t'as peur, hein. Ce soir tu vas jouer, peut-être que ton batteur il va pas venir, tu sais pas. Bon. Mais toi faut que t'assures, parce que t'as 10 000 personnes ce soir, et t'attendent, hein, et prends pas de cadeaux. C'est ça le rock, il y a des gens ils t'aiment, il y a des gens ils te détestent. Enfin, faut que tu l'acceptes, c'est pas facile. Il y en a, ils sont pas capables. Ils supportent pas. Regarde les Doors, ils ont pas pu supporter. Bon, ils sont tous morts. T'as vu Elvis? Bon, il est devenu tout bouffi. Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient parfaites pour ça. C'est tout. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra lui dire. Hein? Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. Hein? Hein, c'est pas dur le blues. Hein, tu te mets dans un champ, tu cries. Enfin, le rock, c'est un monde à part. Hein? Tu peux te suicider à n'importe quel moment. Hein? T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Led Zeppelin en 71. Hein, ils sont arrivés sur scène en dragster. Hein, ils ont brûlé 10 personnes au premier rang. Et ouais, mon pote. Un groupe de rock, c'est un groupe qui se drogue. Bon. Alain Bachoum, il se drogue. Bon, c'est du rock. Jimi Hendrix, c'était du rock. Non, je suis désolé. Les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge? À l'eau, c'est un beau petit, d'autant plus qu'il est naturellement parti avec ma meilleure amie. Il appelle son petit lutin, mais c'est une jolie qui a déjà fait passer sur son chemin la diligence, l'autobus et le train. Oui, mais on ne s'est pas fâché. Dure, car c'est une belle. Ce n'est pas pour elle qu'il a de l'appétit, c'est pour ses économies. Mais après tout, si elle les cope, c'est bien fait pour cette qui avait déjà l'âge de la retraite quand je roulais encore en patinette. Oui, dans la rue, elle m'a traité de. On voit clairement de cette bonne façon qu'elle a vendu du poisson. J'ai profité qu'on était seuls, je lui ai cassé. Car je ne connais pas de meilleur après que le beurre noir pour une gueule de raie. Mais je dois l'avouer, je l'ai regretté. Depuis ce jour-là, plus jamais ils n'ont téléphoné. Mais quelle idée de rester fâché entre gens bien nés. Pas ce qu'ils perdent, après tout je l'ai. Et là Et si on allait manger une pizza tous les quatre? Pourquoi pas, j'ai besoin de vitamines. Sans WAM, on doit faire une répète à 7h. Trent, il est 9h. Ah ouais? Bon bah, faut que je m'arrache. J'ai rencontré un samedi au dernier bar. Sur 3DS et joué à Luigi Manoir. Elle avait une petite jupe et de grands yeux noirs. Un critérium et un carnet acrobat. Dessiner des petits animaux mignons. Je suis pas sûr mais je crois que c'était des Pokémon. J'ai passé une demi-heure comme ça à la relucher. Elle avait l'air absorbée, appliquée. Elle était dessinatrice, mangaka, amatrice. Un peu dark, un peu gothique, mais sympathique. Je me suis dit je vais la voir, je m'en fous, j'ai pas peur. Salut, je m'appelle Étienne et je suis développeur. Alors comme ça t'aimes bien les jeux vidéo. J'ai fait un stage de 3 mois chez Nadeo. Elle m'a regardé avec un air étonné. Je connais pas, je joue qu'à les jeux japonais. Moi j'aime bien quand y'a une histoire un peu triste, avec des cris, des pleurs et des sacrifices. Elle était dessinatrice, mangaka, amatrice. Un peu dark, un peu gothique, mais sympathique. Alors j'ai jeté un œil à son carnet de croquis. Ça cassait par 3 pattes un colibri. J'ai dit pourquoi tu dessines comme dans Naruto. Elle m'a dit connard ça c'est Yu Yu Hakusho. Je comprends pas comment on peut aimer ces conneries. C'est débile et c'est pauvre et c'est même pas joli. Dans les comics aussi y'a des histoires d'amour. Otomo c'est sympa mais c'est pas à l'amour. Moi j'étais fan de comics, surtout les bons scénaristes. Mais je voulais son 06. Alors j'insiste. On a passé l'après-midi à s'engueuler pour savoir qui avait les goûts les plus stylés. Du bar on a fini par se faire virer. Et puis on est parti chacun de notre côté. La petite morale de fin de cette chanson, c'est que des fois quand même on est bien couillon. À croire qu'on est les seuls à avoir raison. On va finir chacun chez soi comme des cons. Comme des cons. Ok. Ouais. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais Sam, c'est bon, diapason, ouais. Allez pour toi Sam, allez pour toi celle-là, ouais. Je sais pas toi mais moi quand je me lève le matin, bah, j'ai envie de pisser, c'est comme ça, c'est les choses du quotidien. Ça paraît rien mais c'est la base de nos existences. Et c'est là-dessus que j'ai construit mon esprit de sentiments. Ouais diapason, ouais Sam, on est libre. Tu sais des fois j'ai envie de faire l'amour avec des filles, mais elles veulent pas. Alors je me dis que cette chaîne de vie, eh ben elle vaut pas forcément la peine d'être vécue. Alors j'ai envie de me jeter du haut de l'immeuble. Mais l'immeuble en fait c'est trop, alors j'ose pas. Tu sais Sam, la vie c'est pas facile. Même quand t'es beau, même quand t'es blanc. Ouais même quand t'es bleu, même quand t'es blanc. C'est pas parce que t'habites au métro Javel que ton appart il a des chiottes propres. Mais ouais Sam, je suis comme tout le monde moi. Quand je me lève tôt, à midi j'ai faim. Ça arrive que je me fasse un sandwich mais des fois je me paye un resto. Ça change et ça trouve l'ennui de ma vie pourrie. Alors je réécoute mon disque en m'allongeant sur mon lit. Et je pense à moi, bah ouais, à moi. Comme dans une glace. Parce que la musique, c'est la vie. Et la vie, c'est la musique. Et si je chante pas, c'est que je sais pas. Et ouais, parce que la musique, c'est la vie. Et la vie, c'est la musique. Et si je rappe pas, c'est que je sais pas. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai pas peur, non, j'ai pas peur. L'autre jour, j'ai croisé une fille dans la rue. Du coup, j'ai senti mon cœur battre très fort, très très fort, t'imagines même pas. Alors j'ai été chez le cardiologue et il m'a dit que tout allait bien. Alors je suis content d'avoir défié la mort, jouer avec elle et gagner, c'est bien. Parce qu'on sort toujours plus fort de ce genre d'épreuve, Sam. Alors ok Sam, je sais ce que tu penses. Que j'ai passé 2015 à engendrer des royalties. Que les Inrocks me lèchent les pieds. Et que bientôt je serai en live dans Taratata à faire un duo avec Lavillier. Que ça sera fort, sincère et très émouvant. Et que même Nagui va pleurer. Mais je m'en fous Sam, je m'en fous d'engendrer les followers et les fanlovers. Faut savoir faire profil bas. Moi je suis comme un Gaulois qui a peur du ciel. Et que la mort, elle prenne sa revanche sur mon cœur. Ou que ma première petite amie, celle qui s'appelait Léa, à qui j'ai roulé une galoche quand j'étais en 5ème A, elle me fasse un procès pour plagiat. Bah ouais Léa, je l'ai relu ta lettre que t'as écrite pendant le cours de français de Madame Béra. Et j'en ai fait des chansons, j'en ai même fait un album, sincère, bienveillant. Un album qui m'est sorti de tes tripes, de ta lettre. Mais la musique, c'est la vie, et la vie, c'est la musique. Et si je chante pas, c'est que je sais pas. Mais ouais. Parce que la musique, c'est la vie, et la vie, c'est la musique. Et si je rappe pas, c'est que je sais pas. Quand je me lève le matin, ben j'ai envie de pisser. Et puis à midi, j'ai faim. Et des fois, quand je marche beaucoup, eh ben j'ai mal aux pieds. Et les ampoules, Sam, ça fait de la lumière. Et quand je m'allume une clope, je me sers d'un briquet. Et je me dis que c'est cool, que j'aurais pu me cramer mes cheveux et finir chez les grands brûlés. Alors je me dis que j'ai de la chance. Je vis, et ouais, Sam, on vit, on est ensemble. Diapason, batterie, casse claire, on est ensemble, faut qu'on en profite. Même si des fois, le soir, vers 21h, j'ai un coup de barre, je me sens seul. Alors je mate le profil de mes potes sur Facebook et j'hésite à aller me coucher, mais c'est trop tôt. Alors je mate un porno, je me branle et je pense à toi Léa. T'as dû grandir aujourd'hui, t'as peut-être acheté mon disque. Mais t'inquiète Léa, toi aussi quand t'iras mieux, t'écouteras de la bonne musique. Parce que la musique, c'est la vie. Et la vie, c'est la musique. Et si je chante pas, c'est que je sais pas. La musique, c'est la vie. Vas-y Sam, contrôle-les. Vas-y fais une boucle. Ouais une boucle comme dans la vie tu vois. Bonjour, je suis président directeur général de l'association des dépressifs du Val-de-Marne. Si vous allez mal et que vous désirez aller encore plus mal, eh bien rejoignez-nous. Pour être membre, il faut prendre au moins 10 anxiolytiques par jour, avoir fait 2 tentatives de suicide, être en fugue, au chômage ou bien éventuellement enroulé en voiture française. Vous êtes aussi peut-être malade et vous savez pas. Ne sois pas trop optimiste. Ah. Oui. Messieurs, je tiens à vous apprendre que Patrick vient d'avoir un terrible accident de voiture. Tous les dimanches après-midi, tu vomissais des fleurs fanées. Yo. Dès demain, je t'apprendrai à faire de la bicyclette par la fenêtre. On fracassera les volets bleus, on siphonnera des sens du ciel. Tous les dimanches après-midi, tous les dimanches après-midi, le ciel est bien trop nuageux. Et tu préfères rester chez toi. Tous les dimanches après-midi, tous les dimanches après-midi, le ciel est bien trop nuageux. Et tu préfères rester chez toi. Indigestion de pop-corn bleu, j'ai dû trop regarder la fenêtre. Je ne me souviens plus très bien de toi. Étais-tu chips ou bien comète? Pour avoir trop dealé, moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français, faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface, même après l'hiver. Et mon voisin, me voyant, me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire racketter. 35 élèves, cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler, les pauvres chéris faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier, y'a trop de leçons ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin vous le connaissez me dira bande de surpayés, vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20h vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il l'avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. venait de monter à bord du train fantôme. Le train fantôme. Monsieur là-bas tout seul. Le train fantôme. Casting, je collectionne des canards entre parenthèses vivants du groupe Ultra Vomit. Bon, on perd pas de temps, faites rentrer le premier canard s'il vous plaît. Bonjour, présentez-vous en deux mots. Ouais, ouais. Très bien, ben, on vous écoute monsieur Coin. Bon, pour moi, c'est non, hein. Non. Bah, pour moi, ce serait oui, mais non. Suivant, s'il vous plaît. Non. Tu es monsieur, vous êtes un poussin, monsieur. Suivant. Trop connu. Suivant. Trop vieux. Suivant. Trop nul. Suivant. Bon, vous nous rappellerez quand vous serez sorti de votre œuf, hein, monsieur. Allez, on enchaîne. On n'y arrivera jamais, putain. C'est clair, c'est la loose, c'est la misère, là. Mais toi, là, que... reste dans ton coin. Oui. Allez, grouille-toi. Oui. Putain. Mais c'est de la merde. Oui. T'es qu'une merde. Oh, t'es pas un canard, t'es un connard. Ah, mais c'est bon. Oui, mais bah, oui, c'est bon, mais attends. Non, mais il s'écrase. Parce qu'il y en a quasi de canards, vous nous prenez pour des pigeons. Mais non, mais c'est bon, tu es arrivé, tu l'as gueulé dessus, ouais, c'est craqué, c'est tout. Depuis le début, c'est toujours à l'inverse. Putain, il chiale, là. Attends, bon, attendez, je vais mettre fin à ce que j'oserais appeler un conflit de canards. Voilà. Oh, toi alors. Bon, écoutez, monsieur, séchez donc vos larmes. Nous vous offrons une seconde chance. Allez-y. Ouais. faire. Depuis le temps que je roule derrière, avec sa vieille Fiat pourrie, je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais la voir, je m'en vais lui faire voir. J'ai fait eu une promotion. Ta mère n'a plus le cancer. Tu t'es habitué à tes morpions. Et puis t'es soulagé parce que ta fille va avorter. Elle s'est rendue compte qu'à 14 ans, c'est trop jeune pour être trois fois maman. Mais dans le fond, tu le sais bien, que ta vie c'est de la merde, que tout ce que tu fais ne sert à rien. Parce que ta vie c'est de la merde, que t'auras beau essayer tant que tu veux, ta vie sera toujours de la merde, que tu ne seras jamais vraiment heureux. Parce que la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que la maison de ton voisin a brûlé. Toi qui voulais agrandir le terrain, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et ta femme boit beaucoup moins grâce à ses antidépresseurs. Et puis vous allez prendre un chien, y'a de quoi être de bonne humeur. Mais dans le fond, tu le sais bien, que ta vie c'est de la merde, que tout ce que tu fais ne sert à rien. Parce que ta vie c'est de la merde, que t'auras beau essayer tant que tu veux, ta vie sera toujours de la merde, que tu ne seras jamais vraiment heureux. Parce que la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Tu bouffes de la merde, tu écoutes de la merde, tu racontes trop de la merde, et tout ce que tu vois c'est de la merde. Tes enfants c'est des grosses merdes, et ta femme elle t'emmerde. D'ailleurs toute ta vie t'emmerde, mais maintenant tu fais comme tout le monde et tu t'émerdes. Maintenant tu te démerdes, allez tu t'émerdes. Non, tu te démerdes. La vie, c'est de la merde, disait Guy Edret à l'instant. Et peut-être que des mauvaises langues rajouteront cette playlist de l'heure du loup aussi. Allez savoir, peu importe, moi je suis content que vous soyez encore à l'écoute sur Osmose Radio. Et c'est ma traditionnelle playlist parodique qui tombe à l'occasion du 1er avril. Et tiens, justement, puisque cette année, le 1er avril tombait aussi le lundi de Pâques, eh bien je vous propose de poursuivre en courant après ce satané lapin blanc. Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, permis, moustache. Je suis en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur. En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de... Je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur lapin, attendez-moi. Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Du métro, les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Comme possible d'avancer sans plonger les barbares. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vie. Chante! Antisocial, tu perds ton sang-froid. Oh oh oh oh oh. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bien gros, les années de service. Avant le temps perdu qu'on ne rattrape plus. On ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. Ton physique clamson, tu es bien gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. foule de rois, les gens s'en font des rois bâtards. Il faut te faire le point, cercle tous les mois. Ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Pour relève la gueule, je suis là, tu n'es pas seul. Ceux qui t'envient aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Réponds à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel larmeau dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Oh, oh, oh, oh, oh. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Antisocial, antisocial, antisocial, antisocial, antisocial, antisocial, antisocial. Antisocial, antisocial, tu perds ton sang-froid. Oh, oh, oh, oh, oh. Toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Antisocial. want your everything. As long as it's free, I want your love. Touch of your hand, I want your leather studded kiss it in the sand. I want your love, love, love, love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want your bad, your bad romance. Cause you're the criminal. As long as you're mine, I want your love. Love, love, love. I want your love. I want your psycho, your vertical stick. Want you in my rear window. Baby, you're sick. I want your love. Love, love, love. I want your your love. I don't wanna be friends. J'ai vu ton amour et j'ai vu ton rêvant. J'ai vu ton amour. I don't want to be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Want your bad romance. Want your bad romance. Around the campfire, I'd suck your bloody froth. guess the thing I'd be best at is impersonating Lestat if I only were goth. In my casket purse I'm touting Ein Sturzender Neubauten and pagan hymns to Thoth. Yes, the world would be depressing over death, I'd be obsessing, and this corpse that I am undressing would be sexier, I'm guessing. With my diet, I'd get scurvy, and I'd worship Peter Murphy if I only were goth. Je sais qu'on tient tous à nos petites différences, mais quand vous entendez un mec dire « Je suis pas un métalleux, moi, j'écoute pas de métal, j'écoute du technical deathcore. » Et puis du brutal gore grind. C'est pas cool de mettre les gens dans des cases. Et de toute façon, ça veut plus rien dire, là, métalleux. Bah vous vous dites, ok, mais bon, c'est un métalleux, quoi. Ces guitares? Ouais, j'en joue et je les bichonne, ouais. Ah. Tiens, celle-ci, c'est la meilleure du lot, tu vois. Pas de problème, là. C'est vraiment la meilleure. Tiens, regarde la flamme, là, sur celle-là, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est carrément géant. Incroyable. Celle-là, elle est parfaite. 1959. C'est simple. T'as qu'à écouter. Et combien écoute est-ce que... minute. Enfin, ce stem. Écoute ça. Ah, j'entends rien. Ouais, mais t'entendrais si j'en jouais, parce que elle est vraiment... connue pour son sustain. Je te jure, tu ouais, peux tenir... Tu veux dire que tu Tu peux aller bouffer tranquillement et... Tu l'entends toujours quand tu reviens. Oui, tiens-moi ça. Oui, bien sûr. Tiens, celle-ci. Celle-ci, bien sûr, c'est une Les Paul Custom à 3 micros. Et ça, c'est mon adaptateur radio. J'accroche ça à la sangle, là, en bas. Tu vois, comme ça, là. Et quand je suis sur scène, c'est une sans guitare fil. Sans fil. Et je peux jouer sans me faire chier avec tout le bordel. Tu peux courir n'importe où sur la scène avec ça. Celle-ci aussi, elle est spéciale. Tiens, regarde, tu vois. Elle a encore l'étiquette dessus. Je m'en suis jamais servi. Tu vois. Tu l'as acheté comme ça. On touche pas. Non, mais tu la touches pas. L'intention de percher. Non, non. Je te la montrais du doigt. Non, on la montre pas du doigt non plus. Ah, même pas. Non, non. Non, non, personne doit s'en servir. Jamais, tu vois. Non, non, je veux pas. Non, non. Non, bon, tu l'as acheté. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un ampli. Hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que. Tiens, regarde bien là. Tous les potards sont gradués. Tu vois, jusqu'à 11. Non, non, regarde là, tous. Ouais, on... Ah oui, je vois. Et la plupart des amplis vont jusqu'à 10. Ouais, exactement. Et ça, ça veut dire qu'il est plus puissant, que le son est plus fort. Bah, c'est plus fort d'un cran. Hein. Non, non, c'est pas 10. Tu vois, la plupart des mecs, ils jouent toujours jusqu'à 10. Et là, t'es à 10, t'es à fond, et à fond les gamelles, partout, comme ça. T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Hein? Ah, tu fais rien, exactement. Ce qu'on fait, nous, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, là, tu vois. Tu sais ce qu'on fait? Ah, bah, on se met à 11. Exactement, et plus fort d'un cran. Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Enfin, que ce soit le maximum, et que le son soit plus fort à 10. Tant pis, là, il va jusqu'à 11. We'll be right back. This situation reminds me of a joke. See, there were these two guys in a lunatic asylum. And one night, they decide they don't like living in the asylum anymore. They decide they're going to escape. So, like, they get up onto the roof, and there, just across this narrow gap, they see the rooftops of the town, stretching away in the moonlight, stretching away to freedom. Now, the first guy, he jumps across with no problem. But his friend daren't make the leap. You see, he's afraid of falling. So then the first guy has an idea. He says, "Hey, I have a flashlight with me. I'll shine it across the gap between the buildings and you can walk along the beam and join me." But the second guy shakes his head. He says, "What do you think I am? Crazy?" "You turn it off when I was halfway across." Oh, do excuse me. I Le Joker et Batman qui s'esclaffent, qui se gaussent, qui rigolent ensemble dans cette excellente adaptation audio de la bande dessinée d'Alan Moore, The Killing Joke. The Killing Joke, la blague qui tue, c'est une expression tout à fait appropriée quand il s'agit de l'humour du Joker. Voilà chers amis, c'était pour conclure cette playlist Poisson d'Avril, une playlist consacrée aux trucs parodiques, à l'humour de merde et aux musiques un petit peu débridées, où l'esprit le plus badin taquinait l'humour le plus grivois. Voilà, et avant de nous quitter, je tenais aussi à rendre un hommage au chanteur de Christian Death, qui nous a quittés, lui, il y a 20 ans. Il s'est suicidé le 1er avril 1998. Oui, le mec a attendu le 1er avril pour se suicider, et on dira encore que les gothiques n'ont pas d'humour. Bref, puisque cet homme-là aimait les musiques solennelles qu'il aimait à mettre, à illustrer dans les albums de Christian Death, puisque cet homme-là était aussi féru d'ambiance un peu hiératique, eh bien, il a sans doute rejoint une église dont on ne revient pas, et c'est l'objet du morceau avec lequel on va conclure, chers amis, The Church of No Return. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de L'Heure du Loup, et on se quitte avec cet hommage à Rose Williams. Bonne soirée, à bientôt.